Chapitre 27. Aurore. En réponse au cri d'étonnement de Lagnard, l'anglais sourit gaiement. « En effet, déclara-t-il tout en se dépouillant de ses gants, vous avez raison, monsieur Lagnard. Wertheimer n'est pas tout à fait mon nom, mais s'apparente de si près à ma personnalité. Supposez qu'on a le droit de s'y méprendre. Je ne vous demanderai pas d'excuses aussi longtemps que vous m'autorisez à garder un incognito qui peut encore avoir son utilité. » « Un incognito ? » bégaya Lagnard, totalement abasourdi. « Son utilité ? Vous m'avez parfaitement entendu. Bien que ma besogne à Paris soit maintenant terminée, on ne sait jamais s'il ne sera pas bon de pouvoir y retourner sans devoir s'établir une nouvelle identité. » Lagnard n'avait pas encore répondu que l'étonnement fit place dans ses yeux à la compréhension. « Scotland Yard, hein ? » interrogea-t-il brièvement. Tout en saluant, Wertheimer compléta. « Agent spécial. » J'aurais dû le deviner, si je n'avais aussi peu d'esprit qu'une dinde, fit Lagnard avec dépit. Mais je dois avouer... Oui, affirma l'anglais avec bonne humeur, je me suis payé votre tête, pas vrai? Mais pas plus que celle de nos autres amis. Comme de juste, j'y ai mis du temps. Il m'a fallu d'abord me poser en une des gloires de la pègre par ici, avant que de Morbihan m'accueillît dans son sein hospitalier. Je présume que je dois me considérer en état d'arrestation? Avec un rire, l'anglais secoua énergiquement la tête. « Non, merci, » fit-il. « Vous n'aimez pas qu'on se mêle de vos affaires. Vous ne me l'avez que trop bien prouvé. Vous combattez avec trop de cœur, monsieur Lagnard, et le limier que je suis est ce matin fatigué à l'excès. Il me faudrait 8 jours de repos pour entreprendre de vous mener en prison. 8 jours et un solide renfort. Mais, » reprit-il d'un air sérieux, « sachez bien ceci. Si vous êtes encore en Angleterre dans la huitaine, je serais tenté d'accomplir la besogne pour le principe. Je ne mets nullement en doute que vous ayez l'intention sincère de bien vous conduire dorénavant, mais en ma qualité de serviteur du roi, je dois vous prévenir que l'Angleterre préférerait vous voir recommencer votre vie, comme on dit, dans un autre pays. Plusieurs paquebots partent pour l'Amérique avant la fin de la semaine. Quant aux autres détails, je me rapporte entièrement à vous, mais il vous faut partir, conclut-il avec fermeté. « Je comprends, » fit Lagnard. Et il voulut continuer, mais il ne le put. Il avait devant les yeux quelque chose qui ressemblait fort à un brouillard. Évitant les visages de l'anglais et de sa bien-aimée, il se détourna, posa la main au hasard sur une des ailes de l'avion pour se soutenir, et resta là, tête baissée, tremblant de tous ses membres. S'approchant de lui sans bruit, la jeune fille prit son autre main et la serra étroitement. Puis, Lagnard se secoua avec impatience et releva la tête. « Je regrette, » fit-il en s'excusant, « mais votre générosité, alors que je ne m'attendais à rien de mieux qu'une arrestation, mes nerfs n'ont pu y résister. » « Des blagues, » fit l'anglais avec une brusquerie joviale, « vous n'êtes pas d'aplomb tout bonnement. Une goutte de cognac vous fera le plus grand bien. » Déboutonnant son paletot de cuir, il tira un flacon d'une poche intérieure, emplit un gobelet de métal, il l'offrit à la jeune fille. « À vous l'honneur, s'il vous plaît, mademoiselle Shannon. Non, je vous assure, vous en avez réellement besoin. » Elle se laissa persuader, but, toussa, et avec un soupir d'aise, rendit le gobelet à Wertheimer, qui se hâta de le remplir et de le passer à Lagnard. L'alcool pur brûlait comme du feu, mais réconforta sur-le-champ l'inertie éprouvée de l'aventurier. Au bout d'une minute, il était redevenu lui-même. Quand il eut bu à son tour, Wertheimer remisa le flacon. « Cela va mieux, » déclara-t-il. « À présent, me voilà paré pour continuer avec cette sacrée mécanique, sans m'inquiéter du sort d'Extrom. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas encore pu oublier. » Il se tut et se passa la main sur les yeux. « C'était donc Extrom, vous pensez ?» interrogea Lagnard. « Indiscutablement. De Morbihan avait eu connaissance, je le sais, de votre marché avec Ducroix. Et je sais également qu'après votre évasion sensationnelle, lui et Extrom passaient toute leur matinée dans les hangars de Saint-Germain. Il ne m'est jamais venu à l'esprit, comme de juste, qu'ils avaient en vue un plan aussi insensé que celui-ci, sans quoi je n'aurais jamais combiné avec Ducroix, par l'intermédiaire de la sûreté, vous comprenez, de prendre la place de Vauquelin. D'ailleurs, qui d'autre cela pourrait-il être? Pas de Morbihan, car il est estropié pour la vie, grâce à cette affaire du bois, ni Popinot, qui était en route pour la sûreté, la dernière fois que je l'ai vu, et encore moins Bannon, qui était déjà mort avant mon départ de Paris pour ici. Bannon est mort? Oh, tout ce qu'il y a de plus mort, déclara nonchalamment l'anglais. Quand nous l'avons arrêté ce matin à 3 heures, accusé de complicité dans l'assassinat de Roddy, il s'est mis dans une colère qui a entraîné une hémorragie fatale. Il a trépassé en 10 minutes. Il y eut un petit silence. Je puis vous dire, monsieur Lagnard, reprit l'anglais, détournant les yeux du moteur auquel il donnait ses soins à l'aide d'une clé anglaise et d'une burette, que vous étiez tout à fait à côté quand vous vous moquiez du bas monde international sans limitation. Bien sûr, si vous n'aviez pas ri, je n'aurais pas éprouvé autant de sympathie pour vous, et il y a des chances que vous seriez en cette minute avec les menottes ou dans une cellule de la santé. Mais, aussi idiot que cela vous parut, et que ce le fut, le projet du bas monde était un dada favori de Bannon, qui a été le cerveau d'une bande de criminels à New York durant de longues années. Il était un peu piqué sur ce sujet-là, monomane, je dirais presque. Et son enthousiasme a conquis deux Morbihan et Popinot, ainsi que moi. Il m'avait pris en affection singulière, ce Bannon, et j'ai été réellement nommé son premier lieutenant à la place de Greggs. Aussi, vous avez d'abord gagné ma sympathie en vous moquant de mon offre, fit Wertheimer en remettant la burette dans la boîte à outils, en quoi vous étiez fort sage. De fait, mon sentiment personnel pour vous est celui d'une estime croissante, si vous voulez me permettre de vous le dire. Vous avez toute l'étoffe d'un honnête homme. Voulez-vous me serrer la main, à moi, un mouchard ? Quand il eut échangé avec Lagnard une pression amicale, il s'adressa à la jeune fille. « Au revoir, mademoiselle Shannon. Je suis vraiment reconnaissant de l'aide que vous nous avez fournie. Sans vous, nous aurions été vilainement handicapés. J'apprends que vous avez envoyé votre démission. Ce n'est pas bien. Le service s'apercevra de votre perte. Mais je crois que vous avez raison de nous quitter, vu les circonstances. Et maintenant, je vous dis au revoir et bonne chance. J'espère que vous serez heureuse. Je suis sûre que vous n'irez pas loin sans rencontrer une grande route ou un village. Mais, pour des raisons non étrangères à ma profession, j'aime mieux rester dans l'ignorance du chemin que vous allez prendre. » Laissant aller la main de la jeune fille, il s'éloigna, salua les amoureux d'un sourire et d'un geste cordial, et escalada agilement la carlingue de l'avion. Une fois bien installé, il tourna la manette de mise en marche. Le bourdonnement grave et caractéristique du puissant moteur emplit ce creux solitaire des dunes comme un ronronnement de dynamo. Avec un dernier salut de la main, Wertheimer saisit le levier du départ. Le vrombissement devint plus grave, le paro s'ébranla et partit brusquement. En 2 secondes, il était à 50 mètres de distance, silhouette déjà embrumée et ses roues s'enlevaient du bord du creux. Puis, d'un bond léger, il prit son vol, s'enfonça dans le brouillard et disparut. Durant quelque temps, Lagnard et Lucie Shannon restèrent immobiles, enlacés l'un à l'autre, la main dans la main, écoutant le ronflement qui diminuait peu à peu, pour devenir un son filé et s'évanouir enfin complètement dans l'obscurité supérieure. Puis, se détournant, ils se firent face avec un sourire indécis, un sourire qui signifiait « Tout cela est donc fini ? Ou qui sait, nous l'avons rêvé ?» Soudain, avec un léger cri, la jeune fille s'abandonna dans les bras de Lagnard, et au même instant, la brume s'entr'ouvrit, et le soleil éclatant inonda le creux des dunes. Fin du Loup solitaire de Louis-Joseph Vance, lu par Isade en octobre 2021.